Et on va continuer avec la chronique d'Emilia Roger. Ça tourne 22h18. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Emilia Roger pour le festival Archipel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager une conversation avec l'artiste sonore Pablo Dizran, avec qui j'ai pu parler des sonneurs à ventre de feu, une espèce de crapaud d'Europe de l'Est. Les sonneurs à ventre de feu ont comme nom latin Bambina Bambina, nom que Pablo adore au point de s'en être fabriqué un collier. En 2021, c'est après de longues recherches et une rencontre avec un biologiste que Pablo a pu enregistrer les Bambina Bambina pendant leur période de reproduction à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Pablo est une field recordiste, musicienne et artiste française basée à Berlin. Dans sa pratique, elle se consacre aux réalités non humaines, à une écoute attentive et aux formes possibles de coexistence entre espèces. Sa pratique créative est multidisciplinaire et engagée sur le plan écologique. Pablo passe beaucoup de temps sur le terrain à l'écoute des différents biomes desquels elle tire son, musique, images et textes. En écoutant son enregistrement, nous avons parlé de sonorité flûtée des sonneurs, de la sonorité flûtée des sonneurs, de sa posture sensible d'écoute, ainsi que de se sentir terrien, terrienne, au milieu des autres êtres vivants. Entre mon enfance et mon adolescence, j'ai eu une période où les grenouilles, je sais pas pourquoi, mais c'est un sujet un peu de dégoût. Alors, moi qui adore les animaux de manière générale depuis toujours, les grenouilles, il y avait une sorte de truc un peu étrange comme ça où, je sais pas, ouais, de dégoût. J'avais l'impression que, je sais pas, j'en voyais une et ça, il y avait quelque chose en moi qui se crispait, un truc un peu étrange, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et je pense qu'en fait, en grandissant, je commençais à développer cette pratique de field recording, d'écoute, etc. Bien sûr, le monde des grenouilles, en fait, c'est un monde fascinant, d'un point de vue sonore, en tout cas. On a l'habitude d'entendre des grenouilles ou des crapauds qui font des sons qui sont assez aigus ou presque guttural ou un truc qui gratte. Le son des sonneurs à ventre de feu est quand même relativement bas, je trouve. C'est un son soufflé d'une douceur hallucinante. Et en fait, quand il y en a comme ça, quand il y a une myriade de grenouilles ensemble, ça crée une sorte de pièce musicale presque dronesque. Il y a une sorte de bourdonnement comme ça autour des étangs. Et il y a vraiment une caractéristique tonale que je trouve magnifique. Ce souffle, cette sorte de feutre, on dirait presque une sorte d'instrument à vent, une flûte, quoi. Oh. J'arrive en début d'après-midi, je repars dans la nuit. Et donc, j'essaie plusieurs choses. Parfois, je place les micros, je reste avec mes casques, ou j'enlève les casques, mais je reste à côté des micros, et j'enregistre, et juste, je reste silencieuse, je debout ou assise, et j'écoute. J'essaie de pas interférer avec le son, j'essaie de pas me déplacer, etc. J'essaie de disparaître, en fait. Un point aussi intéressant avec les batraciens, c'est que ils ont pas une super vue, donc si tu ne bouges pas, ils ont tendance à t'oublier un peu. Et du coup, quand tu arrives à un endroit, généralement les batraciens s'arrêtent de chanter ou de faire du son. Mais si tu attends assez longtemps, ben en fait ils reprennent. toutes les espèces que j'ai enregistrées et que j'ai entendues, je ne les ai pas vues. Et je pense que, je sais pas, j'aime énormément cette idée. Cette idée que j'ai fait l'expérience de ces animaux à travers le son et leur apparence visuelle, physique, est restée cachée dans les roselières. Je pense que ça alimentait l'expérience encore plus. C'est-à-dire que c'était juste une expérience sonore. Voilà. Il y a un truc assez fascinant qui se passe aussi quand on reste longtemps avec les sonneurs à ventre de feu, c'est que le son, il est tellement... Voilà, on peut, tu vois, il y a cet effet de bourdon. Et il est tellement constant. Il a une certaine rythmique, mais il est quand même là. Il est très, très, très présent. Et il est en continu. Et donc, pendant 8 heures, entendre ce son... constamment. En fait, quand je suis parti, quand je suis revenu en ville, pendant 5 ou 7 jours, j'entendais, j'avais comme un acouphène amphibien, j'entendais le bourdonnement des sonneurs constamment comme ça dans mes oreilles. Dans ces moments-là, quand j'écoute, il y a vraiment cette idée de se laisser emporter par d'autres formes d'existence et aussi d'intimité, et en fait d'essayer un peu de laisser de côté mes expériences humaines, d'essayer de vraiment juste exister là, avec ces autres êtres vivants, et en fait, voilà, d'essayer de créer une sorte de connexion, de partage d'un endroit. Pour moi, ce genre de moment, et cet enregistrement-là aussi, c'est vraiment des moments d'impression de coexistence, quoi. Personnellement, dans cette idée un peu romantique et intime de l'expérience, il y a vraiment cette idée de terrien. On est des terriens. Mais tant toi et moi que les amphibiens, les oiseaux qui étaient là, etc. Terrien au sens large du terme, quoi. Juste les habitants de la terre, on est. Et je sais pas, mais vraiment, je sais pas. Il y a une émotion qui vient souligner tout ça. Ouais. Pour moi, l'écoute, en fait, c'est vraiment une manière d'être présente avec le monde. Et là, dans cette expérience-là, avec les sonneurs à ventre-feu, cette notion de présence, elle a été extrêmement forte. C'est vraiment un moment où je me suis senti là, et je me suis senti exister, en fait. Voilà, je remercie infiniment Pablo Dizran pour le partage de son enregistrement de Bombina Bombina, de ses sonneurs à ventre-de-feu. Ainsi que pour son histoire, ce moment d'intimité créé par l'écoute, ou comment se sentir présent, présente, par le fait de disparaître dans le paysage. J'espère que ces chants vous resteront longtemps dans l'oreille, comme l'acouphène amphibien de Pablo. Merci beaucoup, Mélia. Et puis, on voulait aussi te dire merci beaucoup pour ta venue à Archipel, parce que tu pars aujourd'hui. Donc c'est un peu le dernier moment de live avec toi. Oui, les autres chroniques, ma voix est préenregistrée. Quelle tristesse. Mais on ne le dira pas en direct. Hein. Demain, il y aura le mystère de la présence de Mélia. Merci beaucoup Mélia, oui. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ouais. Merci beaucoup.